بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا اليوم ندخل في آخر باب من هذا الكتاب وباب صلاة الجنازة. صلاة الجنازة. يقول المؤلف أولا donc ça c'est la salat funéraire sur les morts. Et il a commencé l'auteur par باب في صلاة على الغائب ولا القبر. La salat sur l'absent et directement sur la tombe. نعم il a cité deux hadiths en même temps dans ce même bab là il a cité deux hadiths en même temps donc on va les prendre en un seul vers inchallah اولا الحديث الثاني والخمسون بعد المئة 152e hadith عن ابي هريره رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في يوم الذي مات فيه وخرج للمصلى فصف بهم وكبر اربعا Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'annonce de la mort d'Al-Najashi, qui traduit par comme étant le négus. Fiyom, dans le jour où il est mort. Et qu'il est sorti le Musallah, et qu'il les a alignés, après il a fait quatre takbir. Naam. Donc, Arawi, rapporteur du hadith, et Abu Huraira, dont on a déjà parlé auparavant. Yaqulu Shaykh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, fi sharh al-hadith, sharh al-ijmali. قال كان النجاشي ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دور كبير أو كان للنجاشي ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دور كبير والسعي مشكور في إيواء الصحابة الذين هاجروا إليه من مكة أو من مكة فرارا بدينهم من فتنة المشركين وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالحق فكان من شكر الله له أن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بموته حين مات تكريما له. Donc le Najashi qui est qu'on appelle le Négus, qui était le roi de Habasha, qui est ce qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui. Et Najashi Négus c'est le nom, c'est un statut. Comme par exemple Pharaon c'est un statut ou César c'est un statut. C'est pas son prénom. Son prénom c'est Ashama. Il s'appelait Ashama. Donc il a eu une grande part, d'accord, dont nous sommes reconnaissants dans la protection qu'il a apportée aux Sahaba, ceux qui avaient fait la hijra depuis Mekka, la première hijra, lorsqu'ils sont sauvés avec leur religion par peur des mouchriquins. Et que le Najashi, après avoir entendu les Sahaba parler de l'islam, la foi est entrée dans son cœur, car à la base c'était un Nasrani, c'est un chrétien. Et il a cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de là, il faisait partie du remerciement d'Allah Azzawajal pour lui, qu'il a informé son prophète de sa mort. Lorsque le Najashi est mort, que les sahabas étaient déjà repartis, n'étaient plus là-bas, Allah Azzawajal a informé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le Najashi était mort. Cela pour l'honorer et pour le rendre le bien qu'il avait fait. Wa fi hadha al-hadith yurbilu Abu Huraira رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من إلى مصلى العيد تفخيما لشأن النجاشي وإشهارا لإسلامه وإعلانا بفضله ومكافأة الله على ما صنع بالمهاجرين إليه وطلبا لكثرة الجمع في الصلاة عليه فصفهم صلى الله عليه وسلم ثم تقدم فصلى عليه فكبر أربع تكبيرات كما يصنع في صلاة على الميت الحاضر. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de la mort du Najashi. Car le Najashi, à la base, comme on l'expliquait, était un Nasrani. Et il est mort, il cachait son islam là où il était. Car dans son pays, si les gens avaient su qu'il avait cru et qu'il était devenu musulman, cela aurait pu lui coûter de grands problèmes. Car il était le roi à ce moment-là. Donc son islam, il le cachait. Donc personne n'aurait fait la salade sur lui, personne ne savait qu'il serait mort. Donc là, c'est Allah Azzawajal qui en a informé son Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers le Musallah du Eid, hein, avec les Sahaba, et cela pour justement montrer le mérite de cet homme et pour lui être reconnaissant du bien qu'il a fait en accueillant ses compagnons à l'époque lorsqu'ils avaient fait la hijra vers lui et pour la protection qu'il leur a apportée. Et il a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent la salade sur lui. Donc il les a alignés, ensuite il s'est avancé, après il a fait quatre takbirat, d'accord, et il a fait la salade sur lui, le Najashi, comme l'aurait fait sur une personne qui aurait été présente devant lui. Naam. يقول من فوائد الحديث, enseignement utile du hadith, ثبوت صلاة على الميت الغائب واجبة إن مات بمكان لم يصلى عليه وإلا فالسنة لا يصلى على غائب إذا كان قد صلى عليه. Donc là, ça montre qu'il est légiféré de faire la salade sur le mort qui est absent, musulman. Et cette salat est obligatoire. Dans quelles conditions? Dans le cas où cette personne serait morte en un lieu où personne n'a fait la salat sur lui. Donc là, il revient aux gens qui sont au courant de sa mort, en pays qui sont ailleurs, de faire la salat sur lui. Sans quoi, si une salat sur lui a déjà été faite, il n'y a pas à la refaire. Cela ne fait pas partie de la sunna. Thaniyan, anna kafiyat salat ala al-mayyit al-ghaib misl kafiyat salat ala al-mayyit al-hadir fi at-takbir arba'an wa ghayrihi. Et que la façon de faire cette salat-là sur l'absent est la même que sur le présent, avec 4 takbirat au début. Thalithan, mashru'iyat at-taqaddum al-imam wa sufuf an-nas wara'ahu fi salat al-janaza. Qu'il est légiféré justement que l'imam s'avance et que les gens sont alignés derrière lui pour la salat janaza. Rabi'an, thubut ayat min ayat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu akhbara ukhbira bi maut an-najashi fi al-yawm alladhi mata fihi. Cela montre également les miracles accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a été informé de la mort de Najashi le jour même où il est mort. Khamisan, fadilat an-najashi. Cela montre le mérite de cet homme-là. Et Najashi, c'était un sahabi, considéré comme étant un sahabi. Et à un khilaf, d'autres ont vu qu'il est juste qu'il n'est pas un sahabi du fait qu'il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas rencontré. Mais il a cru en lui de son vivant. Il a cru en lui de son vivant. طيب. ثم قال سادسا جواز نعي الميت وهو الاخبار بموته ويجب ان كان لتحصيل امر واجب له كالصلاه عليه ودفنه ويحرم ان كان لفعل الامر محرم كالآتم والإظهار وإظهار الحزن على الميت والغلو فيه. Qu'il est permis justement de faire l'annonce de la mort du mort, si jamais cela permet de faire une chose qui est obligatoire, comme par exemple faire la salat sur lui, que les gens ne sont pas au courant, ou pour l'enterrer, ou peut-être même payer des dettes, ou autre. Dès qu'une chose est obligatoire, il faut l'annoncer aux gens. Par contre, cette annonce devient interdite si jamais c'est pour faire une chose qui est interdite, comme le fait par exemple de crier ses éloges partout et que les gens se mettent à pleurer sur lui pour rien et exagérer sur sa personne. Non. Et là, on prend le deuxième hadith du même chapitre. هو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة 153 حديث عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. Et Jabir dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salat sur le Najashi, salat al-janaza, et que lui il était dans le deuxième ou troisième rang. Deuxième ou troisième rang. Fa'arawi, rapporteur, c'est Jabir, dont on a déjà parlé auparavant. يقول الشيخ في الشرح الإجمالي يخبر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصف الناس وراءه فكان جابر في الصف الثاني أو الثالث وروايه مسلم تبين أن الصفوف اثنان فيكون جابر في الصف الثاني بلا شك. جابر informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salat de janaza sur النجاشي et qu'il a fait il a aligné les gens derrière lui. Et que Jabir était soit dans le deuxième ou troisième rang. Et dans la version de Muslim que nous avons pris auparavant, il a été dit par Abu Huraira qu'il n'y avait que deux rangs. Donc cela inclut que Jabir, en réalité, était dans le deuxième rang, non pas le troisième. Sans aucun doute. Mais peut-être avec le temps, après, il a oublié, il a douté. Car à la base, dans une salat janaza, la sunna, c'est de faire trois rangs, si possible. Yaqul min fawaid al-hadith. Mashru'ati as-sufuf fi salat al-janaza. Qu'il est légiféré de faire des rangs, de s'aligner pour la salat de janaza. Et on s'aligne comme on s'aligne pour la salat normale. Thaniyan, fadilat al-najashi. Cela montre le mérite d'être najashi. Thalithan, thubut al-salati ala al-mayyit al-ghaib. Waya wajibatun iza lam yusalla alayhi wa illa fala tushra. Et qu'il est légiféré de faire la salat sur celui qui est mort en étant absent. Et qu'elle est obligatoire si personne n'a fait la salat sur lui. Sans quoi, si la salat a été faite sur lui, alors il n'est pas légiféré de la faire, de la répéter. Sur l'absent, on parle. Naam. Hadha alladhi akhadna al-yawm min hadha al-hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.